cœur qui exulte. D'ailleurs, chez rien n'est plus juste. Des calendes, des danses. Des danses. Divi-divi-divi-fi. Divi-divi-divi-fi. Divi-divi-divi-fi. Des mots qui nous tiennent dans un contresens de ce que l'on pense. Comment briser les verrous de l'enfance. Juger oui, dire non, tout droit avec aplomb. Perdre un peu sa passion. Comment trouver les pistes des pulsions. Et passer à côté de moments intenses. Le savoir c'est casser l'obéissance. Sans compromis chanter la sentence. 1, 2, 3, 4. Suivre le corps qui exulte. Déhancher rien n'est plus juste. Des calendes, des danses. Des danses. Divi-divi-divi-fi. Divi-divi-divi-fi. Divi-divi-divi-fi. Retrouver en soi son jardin secret. Son enfance rêvée. Pour enfin vivre une évasion. Et passer à côté de moments intenses. Le savoir c'est casser l'obéissance. Sans compromis, chanter la sentence. Des camètres, un cas où tu serais traître. Tu trahiras ton idée. Ta voix, ton grand chemin, ta destinée. Suivre le corps qui exulte. Des hanches, rien n'est plus juste. Des cadences, des danses. Des danses. Divi-divi-divi-fi. Divi-divi-divi-fi. Divi-divi-divi-fi. Suivre le corps qui exulte. Des hanches, rien n'est plus juste. Des cadences.